بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد donc on continue toujours avec notre livre العلم فضله وشرفه donc une compilation des paroles de Ibn Qayyim رحمة الله عليه au sujet de la science donc on est arrivé au 36e point الوجه السادس والثلاثون فضل العالم على العابد donc les bienfaits du savant par rapport à l'adorateur c'est-à-dire la valeur du savant par rapport à l'adorateur. Wa qala at-Tirmidhi rahimahullah fi hadith al-Hasan al-Gharib an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala dhukira li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rajulan ahaduhuma 'alimun wal akhar 'abidun fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fadlu al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. Donc un hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi où Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu rapporte qu'on a demandé au prophète qu'on a énoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de deux hommes, un qui est savant et l'autre est adorateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le bienfait du savant vis-à-vis du bienfait de l'adorateur est comme mon bienfait sur le moindre d'entre vous, c'est-à-dire le plus petit des compagnons. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah et ses anges et les gens des cieux et de la terre, même la fourmi qui entre dans son fourmilier, même le poisson en mer, même le poisson en mer, donc demande pardon, prie, donc on sait que le salat, donc c'est justement le fait de demander pardon, à celui qui enseigne aux gens le bien. Donc on voit encore une fois la vertu justement de celui qui enseigne. Et bien sûr, en premier lieu, l'alim, en premier lieu, le savant. Al-Fuzay ibn Iyad, rahmallah, dit « Alimun, amilun, muallimun » يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. Donc il dit le Foudail, rahmatullah alayhi, savant, pratiquant, enseignant, il est invoqué, il est évoqué nombreusement, c'est-à-dire beaucoup. Il est évoqué beaucoup ou dans bien sûr dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان رجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الثمن الكاتبون ورجل أعطاه الله علما فضن به من عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من النار. Donc il dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, les savants de cette communauté sont au nombre de deux. Donc on va retrouver deux catégories de savants dans cette communauté. Un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, il a propagé cette science aux gens en faisant tous les efforts sans demander un bien de la vie d'ici-bas, sans demander un bien de la vie d'ici-bas, et ni à essayer d'acheter donc quoi que ce soit de la vie d'ici-bas avec quelques versets ou bien quelque chose de la religion. Et cela, bien sûr, donc cette catégorie de savants, les oiseaux qui sont dans les cieux, les poissons qui sont dans la mer, et toutes les montures, donc toutes les bêtes qui sont sur la terre, les anges qui écrivent, demandent pardon pour lui, il prie pour lui, c'est-à-dire il demande pardon pour lui. Et la deuxième catégorie, c'est la personne dont Allah a donné de la science, mais bien sûr celui-là va utiliser cette science contre ses serviteurs, c'est-à-dire il va profiter de cette science pour des biens d'ici-bas. Il va demander, donc il va chercher après des grands salaires par exemple, il va chercher à ce que dès qu'il utilise quelques versets ou quoi, comme le font certaines personnes, c'est pour de l'argent, ceux qui ont appris le Coran pour tourner par exemple autour des maisons, pour réciter par exemple autour des morts, ou dès qu'ils profitent d'avoir un petit pouvoir, c'est pour profiter, hein, c'est-à-dire de leur du peu de connaissances dont Allah leur a donné, afin de profiter dans la vie d'ici-bas. Et ces gens-là, donc ils viendront le jour du jugement dernier avec bien sûr avec des chaînes ou avec des colliers, hein, de feu. Ils seront bien sûr enchaînés de feu. Donc, bien sûr, ça c'est une parole de compagnon, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقوله إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض يصلون على المعلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. Donc certes Allah et ses anges et les gens des cieux et de la terre prient sur celui qui enseigne le bien aux gens, car celui qui enseigne le bien aux gens est la cause de du fait qu'ils seront sauvés, du fait qu'ils seront heureux et du fait qu'ils vont se purifier, ils vont purifier leurs âmes. Donc Allah le récompense selon ce qu'il a fait. Al-jaza min jins al-amal. Donc selon ce que tu fais, tu seras récompensé. Et certes, donc Allah Azzawajal a fait en cela que les gens, justement, donc qu'il leur a sur ce pardon, hein, qu'ils vont être, et c'est-à-dire que comme lui il a été la cause pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient heureux et pour que les gens soient purifiés, donc la prière d'Allah, donc c'est-à-dire d'Allah des anges et des gens des cieux de la terre et même des bestiaux seront la cause que cette personne sera aussi sauvée. C'est-à-dire que cette personne-là va recevoir en retour aussi donc la même chose, c'est-à-dire le fait d'être sauvé, le fait d'être heureux et le fait de réussir dans la vie. وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. Et aussi celui qui apprend le bien aux gens, le fait qu'il montre, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il apprend le bien aux gens, il va montrer clairement aux gens la religion, hein, du Seigneur, ses statuts, donc c'est tout ce qui est légiféré. Il va faire connaître Allah Azza wa Jalla, donc il va faire connaître les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc Allah va faire de cette prière, justement, donc la prière des gens des cieux et de la terre, justement, qu'il y aura aussi, que lui aussi sera connu. Donc il va aussi profiter dans le sens, pas dans le sens d'être connu pour être connu, mais simplement, les gens vont savoir que c'est un savant, mathalène, et ils vont lui donner son respect. Ils vont lui donner, hein, son respect. Donc il y aura son honorabilité, il va rester honoré. Hein, on sait que, vous prenez par exemple la vie de Cheikh Ibn Baz, ou que ce soit Cheikh Fawzan, ou bien que ce soit tous les ulama qui sont connus, ils sont respectés. Ils sont respectés non seulement par le Shab, Chirantémine et les autres, ils sont respectés par les jeunes, par le Shab, qu'ils soient Awam ou pas, ils sont respectés par Talabat al-Ilm, ils sont respectés par l'Ulama, ils sont respectés par l'Umara, voire même par le Malik. Donc ils ont eu, hein, ce Sharaf, ils ont eu ce Sharaf, et il suffit de voir leur mort, il suffit de voir, c'est-à-dire le moment de leur enterrement, comment ils ont été enterrés, où tout le monde venait à courir justement pour prier et assister à cette prière et aussi à cet enterrement. Donc cela, Adayakfi, avec l'enterrement, ça suffit déjà pour montrer la place de ces grands savants et aussi l'honorabilité de ces grands savants. Donc Allah va montrer aux gens qu'il a loué justement les savants, hein, entre bien sûr les savants, entre les gens des cieux et de la terre. Et on sait que lorsqu'Allah aime quelqu'un, il le dit aux anges, les anges le disent, hein, aux gens de la terre, donc les gens vont l'aimer. Et c'est pour ça que les gens, même s'ils n'ont pas vu ces savants-là, les aiment. Même s'ils n'ont pas vu ces avant-là, ils les aiment. Et ils sont prêts à leur obéir, hein, rien qu'en lisant ce qu'ils vont lire de eux dans les livres. Ils vont obéir, ils vont suivre. Al-Waj, Sabir wa Thalathun, Lidida al-Malaika bi-Talib al-Ilm. 39e point, l'agrément des anges envers l'étudiant en religion. Marawahu Abu Daoud wa Tirmidhi. من حديث أبي دردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تدع أجنحتها ردا لطالب العلم، وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc il y a le hadith qui est dans. Donc on voit que le hadith, il y a, dans certaines variantes, il est faible, mais simplement il y a des chaînes, donc il y a des turuks, hein, donc des variantes qui justement qui viennent renforcer ce hadith, qui viennent renforcer ce hadith. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui emprunte une voie en désirant la science, Allah lui empruntera la voie vers le paradis. Et certes les anges. Donc, posent leurs ailes par agrément à l'étudiant en religion. Et certes, le savant, on lui demande pardon dans les cieux et dans la terre, même le poisson dans la mer, et le bienfait ou la valeur du savant envers le serviteur, c'est-à-dire envers l'adorateur, est comme hein, le bienfait de la lune envers n'importe quel astre. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'héritent pas ni de dinar, ni de dirham, mais ni d'or ou d'argent, mais ils héritent de la science. Et celui qui prend cette science aura pris une grande chance, aura pris, c'est-à-dire un grand bien. Celui qui prend de cette chance aura pris donc un grand bien. وَالطَّرِيقُ الَّتِي يَسْلُكُهَا إِلَى الْجَنَّةِ جَزَاءٌ عَلَى سُلُوكِهِ فِي الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعِلْمَ الْمَوْصِلَ إِلَى رِضَى رَبِّهِ. Donc la voie qui a été emprunté vers le paradis, c'est la récompense de sa voie qui a été justement donc empruntée dans la vie d'ici-bas vers la science, celle qui amène, wa alaykoum salam, celle qui amène à quoi ? À l'agrément de notre Seigneur, à l'agrément de son Seigneur. Et tout en sachant que la chose la plus importante par rapport à la personne auprès d'Allah, c'est justement l'agrément. C'est Rida Allah. Et c'est pour ça qu'on dit des compagnons, radiallahu anhum. Donc les meilleures des personnes, radiallahu anhum. Parce que l'agrément d'Allah est quoi ? Est la plus grande. Il n'y a pas plus grand que l'agrément d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc celui qui va prendre cette voie aura pris justement donc l'acceptation d'Allah, l'agrément d'Allah qui est justement la chose la plus importante. Et les anges posent donc leurs ailes sur eux par humilité. Et par respect. Hein, pourquoi aussi toujours par donc il va honorer ce savant car ce savant porte en lui hein, justement l'héritage des prophètes et bien sûr le fait qu'il recherche aussi l'héritage du prophète celui qui a clôbe, donc celui qui demande cet héritage wa huwa yadullu ala al mahabbati wa ta'dim, soit une preuve de quoi de l'amour et aussi du fait que la personne honore le fait d'honorer car les anges aiment justement, ces humains, c'est-à-dire hein, donc ces savants, ces personnes qui cherchent la religion, les savants ou bien les étudiants en religion. Et car il l'aime, du fait qu'il l'aime, donc elle pose ses ailes. Et on sait que quelqu'un qui aime quelqu'un peut des fois le tenir comme ça. On sait que c'est un geste d'amitié, c'est un geste d'amour, le fait de tenir quelqu'un, مثلا. لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. Car il recherche hein, ce qui est justement donc là, ce qui fait la vie de ce savant et de sa réussite. Fafihi shabahun min al malaika. Il y a une ressemblance donc dans les anges. Wa baynahum tanasubun. Il y a entre eux et entre les anges bien sûr donc une relation. Tanasubun. Fa in al malaikata ansahul khalqillahi wa anfa'uhum li bani adam. Car les anges, ce sont justement ceux qui conseillent le mieux, ce sont les meilleurs conseillers parmi les serviteurs, parmi les créatures d'Allah Azzawajal, et celles qui sont les plus profitables auprès pour les hommes. Celles qui sont plus profitables auprès des hommes parce qu'elles te protègent. Bi'iznillah. Elles demandent pardon pour toi, elles t'aiment. Hein? Il n'y a pas d'autre chose. Elle te protège, elle demande pardon pour toi, elle t'aime. Et c'est tout le temps comme ça. Donc il n'y a pas meilleur que cela. Et de par leur bien, de par leur billet, vient justement donc toute chose heureuse et science et aussi guidée. Donc là, on parle bien sûr des savants. Donc par rapport à Aïdil Ulama, donc c'est par rapport au, donc, entre les mains des savants qu'on retrouve, on va retrouver le bonheur, la science et la guidée. Wa min nafhihim li bani Adam. Et aussi le fait que les anges, que les savants, donc comparables aux anges, eux aussi sont profitables aux fils d'Adam. Wa nushihim annahum yastaghfiruna li musihim. Wa yuthnun ala mu'minihim. ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على المصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال كما قال بعض التابعين وجن الملائكة أنصح الخلق الله لعباده ووجن الشياطين أخشى الخلق للعباد. Donc là aussi, donc c'était aussi. Donc il y a une comparaison, mais toute cette phrase, elle reste aux anges, malgré qu'il y a une comparaison qui est, bien sûr, avec les savants. Donc, le fait qu'ils sont, c'est-à-dire comment qu'ils vont conseiller l'homme, c'est parce qu'en vérité, le fait qu'ils sont nashum les ibad, c'est parce que justement, ils demandent pardon à ceux qui font des péchés. Hein, ils demandent pardon à celui qui font les erreurs. Et aussi, ils louent, donc ils vont louer leurs croyants. Et ils vont les aider contre leur ennemi parmi les chiatines. Et aussi, ils vont chercher à quoi ? À bien sûr, à arranger à tout ce qui est bien. Ils vont toujours chercher à faire tout ce qui est bien pour toi de la façon la plus possible, hein, de la façon la plus complète. Et encore plus, donc ils vont plus chercher à faire du bien à l'homme que chercher à se faire du bien à eux-mêmes. Leur rôle, c'est de te protéger, Mathalène. Donc, il va faire que te protéger. C'est son, encore plus que ce qu'il cherchera à se protéger en lui-même. Mais même, il cherche pour lui, donc le bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ce que l'homme ne s'imaginerait pas, ce que l'homme, bien sûr, ne chercherait pas, ne s'imaginerait pas. Comme le disent certains tabi'in, ils disent, donc tabi'in, c'est les successeurs des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, nous avons vu que les gens, que les anges, étaient ceux qui conseillaient, donc les meilleures créatures d'Allah, qui sont conseillères auprès de ses serviteurs. Et nous avons vu que les chiatines, donc les chiatines, sont celles qui trahissent le plus, hein, sont celles qui sont le contraire. Ce sont celles qui vont plus trahir les serviteurs d'Allah, il y en a dans la créature. Faqala ta'ala, et il dit, subhanahu wa ta'ala, par rapport à cela, soit ghafir, verset 7 à 9. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, soit ghafir, verset 7 à 9, alladina yahmiluna al-arsha. ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم سيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. Donc soit le Rafet, verset 7 à 9. Fa ayu nushin lil ibadi mithlu hada illa nushul anbiya. Donc soit le Rafet, verset 7 à 9. Fa idha talaba al abdu al ilma faqad sa'a fi a'dami ma yansuhu bihi ibadallahi fa lidhalika tuhibbuhu al malaika وتعظمه حتى تدع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. فقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك ابن أنس يقول معنى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تدع أجنحتها تعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له nous entendent ou quoi? Si vous pouvez mettre le verset en français, non mais allez, je vais quand même le traduire comme ça. Donc ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour glorifient donc la louange de leur Seigneur et ils croient en lui et ils pardonnent, et ils demandent pardon, hein, donc ils pardonnent à ceux qui ont cru notre Seigneur à bien sûr la miséricorde qui englobe toute chose et la science. Enfin, pardonne à ceux qui ont demandé, donc ceux qui ont fait Toba, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis et ont suivi ta voie. Et protège-les du châtiment de l'enfer. Notre Seigneur, entre-les dans les paradis, sous lesquels il y a avec les jardins, donc, auxquels tu leur as demandé. Soit Raphaël, versets 7 et 9. De 7 à 9. Donc, entre-les dans le paradis que tu leur as, là où tu leur as promis, et ceux aussi qui se sont bien arrangés parmi leurs pères, leurs épouses, leurs descendants, certes, c'est toi, bien sûr. Donc, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et apportent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu es en toute chose, ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Non, continue, 8 et 9 aussi, les autres. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. C'est toi le puissant, le sage. Non, barakallahu fikoum. La suite aussi, non. Et préservez-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Donc il dit après, Shir Rahmanullah, que comment on peut trouver donc un conseil, un nusr, donc qui peut être appelé conseil, ou bien le fait de vouloir du bien à chaque personne. Nusr, c'est ça. C'est le fait de purifier celui qui est en face de soi. C'est ça, nasiha. C'est le fait d'enlever tout ce qui est mauvais afin de le purifier. Et les anges font le rôle comme le... Donc il dit que ce rôle-là ne se retrouve que chez les prophètes, chez les anbiya. C'est eux qui auront le nasiha qui sera tam. فَإِذَا طَلَبَ الْعَبْدُ الْعِلْمَ فَقَدْ سَعَى فِي أَعْظَمِ مَا يَنْصَحُ بِهِ عِبَادَ اللَّهِ. Donc si la personne apprend la religion, elle va justement donc faire ce qui est de plus illustre dans le fait de conseiller justement donc le serviteur d'Allah avec cela. فَلِذَلِكَ تُحِبُّ الْمَلَيْكَ وَتُعَدِّمُهُ. Donc, comme il se retrouve à faire le même rôle que les anges l'aiment par rapport à cela. Donc les anges l'aiment et aussi bien sûr l'honorent et le glorifient. Ils vont l'honorer. Donc ils vont l'honorer à Fouane. Ils vont l'aimer, ils vont l'honorer. Jusqu'à ce qu'elle dépose ses ailes sur lui par agrément, par amour et aussi par le fait de l'honorer. Et Abu Hatim Razil dit, j'ai entendu Ibn Abil Aws dire, j'ai entendu Malik Ibn Anas dire, donc le sens de la parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose ses anges, c'est-à-dire par les, hein, donc par les doigts, il pose ses ailes, à fois il pose ses ailes, donc par les doigts, par les invocations pour Talib al-Ilm, donc celui qui recherche, ou l'étudiant en sciences religieuses, à la place bien sûr hein, des mains. Donc Abu Hatim Razi disait ça. Il disait que Ibn Abil Aws disait que c'était cela. Par rapport à cela. Et aussi Ahmed Ibn Marwan al-Maliki dans son livre Al-Mujalasa lahu yaqul haddathana Zakaria Ibn Abd al-Rahman al-Basri qala sami'tu al-Ahmad Ibn Shu'ab yaqul kunna 'inda ba'd al-muhaddithin bil Basra fahaddathana bi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innal mala'ika la tad'u ajnihataha li talib al-'ilm. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث قال والله لا أترقن غدا نعلي بمسامير فأطاء بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في نعليه في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. Donc Ahmad ibn Shu'ayb dit qu'ils étaient chez certains muhaddithin, donc certains rapporteurs du hadith, et qui lui rapportaient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les anges déposent leurs ailes, hein, donc, sur l'étudiant en religion. Et dans cette assise, il y avait un homme mu'tazili. Un mu'tazili, donc quelqu'un qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et renie aussi, bien sûr, donc, ce genre de d'autres choses encore. Parmi justement le fait que par exemple, les anges descendent, ils ont leurs ailes, ils renient encore autre chose par rapport à cela. Ils renient pas mal de choses qu'on va retrouver même, par exemple, Yom al-Qiyama. Donc ils se moquent de ce hadith. Les Mu'tazilites se moquent du hadith. Fahakada shen ahl al-bid'a. Les gens de la bid'a aiment se moquer justement de quoi? De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils en sont ennemis. Ceux-ci en sont ennemis. Al-Mubtada', c'est un ennemi de la sunna. Parce que lui-même, il déteste la sunna. Il va la détester, pareil qu'en la voyant. Il va détester toutes les sunnas qui sont apparentes et même celles qui sont moins apparentes. Il dit, Wallah, demain, je vais, avec mes chaussures, hein, je vais prendre des clous et je vais taper, je vais quoi? Je vais accrocher, hein, donc je vais clouer les ailes des anges, hein, je vais clouer les ailes des anges avec des clous. Et Firmin, il l'a fait. Donc, il est venu dans le domaine avec des clous et il a fait comme s'il si, n'a pas cloué les ailes des anges, mais il a fait comme s'il si, était dans une assise, il a fait comme s'il si clouait, hein, c'est-à-dire près d'un taleb, comme s'il clouait les ailes des anges. Il a marché avec ses chaussures et subhanallah, ses pieds ont séché. Ont séché, hein, donc ses deux pieds, hein, donc ses deux pieds ont quoi? Ont séché, donc même ses jambes, jusqu'à ce que. On retrouve hein, donc les insectes qui dévoraient justement l'Aquila, donc les insectes qui sont venus dévorer leurs pieds qui ont séché. Voilà le résultat de celui qui se moque hein, à Kulhel de la religion. Donc on sait que l'istihza'uhu, c'est du kufr. Cette moquerie-là, bien sûr, c'est de la mécréance. Waqala Tabarani, Samertu Aba Yahya, Zakaria ibn Yahya, Saji, Kal, Kunna Namshi fi Badi, Azikat al-Basra, ila Babi Badi al-Muhaddithin, Fa'asra'na al-Mashi, Wakana ma'ana Rajulun. ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزي فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. سبحان الله. Donc il y a une autre histoire aussi, donc où Abu Yahya, donc Abu Yahya Zakaria ibn Yahya al-Saji dit que on marchait donc dans certains quartiers de Basra, donc vers la porte de certains muhaddithines, donc ils allaient apprendre la science du hadith. Et on sait que les muhaddithines, ce sont les premiers qui sont justement héritiers du prophète, donc ils se sont empressés. Ils voulaient bien sûr pas rater le cours, donc ils se sont empressés afin d'arriver. Et il y avait avec eux un homme qui était donc pas clair, qui était pas normal, et même qui était dénigré par rapport à sa religion. Donc c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans sa religion. Et il dit, levez vos pieds. Hein, c'est-à-dire ne marchez pas en fin de compte sur les anges des anges et ne le cassez pas leurs ailes, sur les ailes des anges et ne les cassez pas, c'est-à-dire en se moquant. Il est resté au même endroit que quoi que ses pieds ont séché, il est tombé. Ses pieds ont séché et il est tombé. Regardez ce que le Uquba, elle est venue directement. Tellement le maqam il est important, tellement l'ilm il est important, tellement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont importants. Regardez ce qui arrive à ceux qui se moquent de la religion, et des fois le châtiment il peut venir comme il est venu ici directement tout de suite sur place. Wa fi sunan wal masanid min hadith Safwan ibn Assal qala qultu ya rasulallah inni jittu atlubu al-ilm qala marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilm la tahuffu bihi al-mala'ikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'duhum ba'da hatta tablughu as-sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlub. وذكر حديث المسح على الخفين فقال أبو عبد الله الحاكم وإسناده صحيح. Donc il y a un hadith qui est rapporté, donc on retrouve dans Sunan wal Masanid, wal Hakim l'a authentifié, hadith de Safwan ibn Asal qui dit que j'ai dit ô envoyé d'Allah, certes je suis venu pour apprendre la religion. Et il dit bienvenue à l'étudiant en religion. Certes l'étudiant en religion, les anges donc le recouvrent, les anges le recouvrent, et elles viennent donc elles vont recouvrir donc elle le recouvre avec ses ailes et elle monte. Les anges vont succéder, c'est-à-dire vont être les uns au-dessus des autres jusqu'à ce qu'ils touchent, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel. Imaginez-vous un peu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel, donc au premier ciel de la vie d'ici-bas, au premier ciel, c'est-à-dire du dunya, le premier ciel, tellement il aime ce qu'il fait, tellement il aime ce qu'il apprend. L'imayatloub. Tellement que les anges aiment ce que cet étudiant apprend. Et c'était quoi le hadith? C'était justement le hadith al-mas halal khufayn. Regardez encore une fois, les gens qui se moquent encore une fois de ce genre de hadith, alors que les anges ils sont comme ça. Les gens ils se moquent justement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Toi, vous connaissez que le mas halal khufayn, ou bien vous connaissez que ceci, ou bien vous connaissez que cela. Alors que vous croyez que c'est pas important, alors qu'en vérité auprès d'Allah c'est quoi? C'est quoi? C'est azim, c'est trop important. Vous considérez que cela c'est pas important alors qu'aux yeux d'Allah c'est trop important. Et le récit est authentique. En plus, c'est Ibn Abdelbar par rapport à ce hadith. Wa hadithun sahih hasan, thabitun mahfouzun marfou'un, wa mithluhu la yuqad bil ray. Justement, pour prouver que c'est la vérité, du fait qu'il y a des sectes qui renient, donc que les anges se propagent et cherchent après les assises de science et l'akhiri. Donc il dit qu'un hadith comme ça, il ne peut pas être dit par Rai, parce que ça c'est du domaine de l'invisible. Et même si, ça, même si un compagnon le dit et qu'il est mokouf au compagnon, il va être, même si le hukm il pourrait revenir au marfou, dans le sens où dès que ça devient du domaine de l'invisible, le compagnon n'invente pas. C'est parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, c'est pas possible autrement. Wa fi hadha al-hadith li khaffun khaffun al-mala'ika lahu bi ajnihatiha ila as-sama' wa fi awwali wad'iha bi ajnihatiha lahu. Falwad'u فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. Donc dans ce hadith, le fait que les anges se posent, le fait qu'ils vont justement, c'est-à-dire le prout, donc ils vont être contourner et aussi poser leurs ailes autour des anges, donc cela va faire que le fait qu'ils ont posé, donc le fait de poser quelque chose, donc c'est justement tawadu. Donc c'est de l'humilité, c'est aussi du respect. C'est du respect, le fait qu'ils honorent. Donc ils mettent les honneurs à par rapport à ces savants. Et aussi le fait qu'ils vont aussi les ombrager, le fait qu'ils vont contourner comme ça, le fait qu'ils seront au-dessus d'eux. Comme ça, ça aussi c'est quoi? Par ces anges, c'est justement par ses ailes. C'est aussi une protection. Donc ça va être une protection. Ça va être quoi une protection? Non seulement il les respecte, mais en plus il les protège. فَتَضَمَّنَ الْحَدِيثَنَ تَعْدِيمَ الْمَلَائِكَ لَهُ وَحُبَّهَ إِيَّهُ وَحِيَاطَتَهُ وَحِفْظَهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْطَالِبِ الْعِلْمِ إِلَّا هَذَا الْحَظُّ الْجَزِيلُ لَكَفَى بِهِ شَرَفًا وَفَضْلًا. Donc ces deux hadiths comportent et comprennent l'honorabilité des anges pour eux, c'est-à-dire envers les savants, et aussi donc leur amour envers le savant, bien envers l'étudiant en religion, leur amour et leur protection aussi. Et même si l'étudiant n'avait que cela comme vertu, c'est-à-dire il n'y a pas de hadith alhamdulillah qui prouve les bienfaits du savant, de talib al-ilm, de l'étudiant en religion. S'il y avait rien que ce hadith qui cite justement l'étudiant en religion, ça serait déjà suffisant pour montrer encore une fois donc la vertu et la valeur aussi, l'honorabilité de cet étudiant. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جزية من جزء عمله وجعل من في السماوات والأرض سعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, donc on demande pardon aux savants, c'est-à-dire demande pardon aux savants, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre, même les poissons dans l'eau, car le savant est le sebeb, donc est la cause, bi'idhnillah, du fait que cette science, justement, donc la science qui a été obtenue chez les gens qui ont profité de cette science, les gens qui obtiennent cette science, vont justement quoi? Donc cette science-là, elle va être la cause, bi'idhnillah, donc que les gens vont être sauvés, que les gens vont être sauvés de tout type de péril, de tout type de péril. Et bien sûr, donc le but du savant n'était que pour cela, et justement de ressortir les gens, hein, des ténèbres vers la lumière, hein, donc du faux vers le vrai. Donc entre ses mains, il y aura justement donc le fait que les serviteurs seront sauvés. Donc il va être récompensé selon ce qu'il a fait. Et on sait que la récompense, elle est toujours en fonction de ce qu'il fait. Donc il va... Donc la récompense, regardez le mérite de cette récompense, c'est que tout ce qui est sur les cieux et la terre demande pardon pour lui. Donc comment Allah il va refuser ce pardon? Alors que tout ce qui est sur les cieux et la terre demande pour lui, et c'est Allah qui a placé tout ça en plus, alors comment Allah il va refuser, hein, ce pardon? Le fait qu'ils vont demander, hein, justement le fait que lui... Il a quoi? Il a sauvé des gens de tout péril. Donc les gens, ils vont lui demander, ils vont demander pour lui pardon. Donc Allah, il va le pardonner. Et il va, bien sûr, en le pardonnant, et bien sûr, il va l'empêcher en même temps de quoi? De tomber dans tout ce qui est péril. Parce que justement, il aura pardonné par rapport à cela. وَإِذَا كَانَتَ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ لَا تَسْتَغْفِرُ لِخَاصَّتِهِمْ وَخُلَاصَتِهِمْ. Si déjà les anges demandent pardon aux croyants, alors comment ils ne demanderaient pas pardon, bien sûr, à ceux qui sont spécifiques? C'est-à-dire dans les croyants, il y a des khassa, hein, il y a le khawas. Il y a ceux qui sont encore plus spécifiques que les croyants, justement les savants et tout le Qad qila inna ma fi samawati wa man fi al-ard al-mustaghfirin lil-alim 'amun fi al-hayawan natiqha wa bahimha wa tayriha wa ghayrihim. Et on dit aussi, donc certains savants disent que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, donc ceux qui demandent pardon, bien sûr, c'est général pour toutes les créatures, donc tous les animaux. C'est-à-dire quand on dit hayawan natir, c'est-à-dire on parle des humains, hein, des djinns et des humains, wal bahima, donc les bestiaux, les oiseaux et autres. Donc on parle de tout type d'animaux. Wa yuakkidu hadha qawluhu hatta al-hitanu fil ma' wa hatta an-namlatu fi hujriha. Et là on vient appuyer et insister par rapport à cela, comme quoi c'est bien sûr tous les animaux, même le poisson, hein, dans l'eau. Il est loin, ça, on pense. C'est-à-dire même celui qui est dans l'eau, même l'animal qu'on ne voit pas comme ça. Hein, on ne le voit pas comme ça, le poisson dans l'eau. Et même la fourmi qui est dans son trou, qui est dans son fourmilier, elle aussi la même chose. Hein, le petit animal que l'on ne voit pas. Fourmilier qui pourrait être entre nous et peut-être qu'on ne le voit même pas. Même ceux que, à part un, à nos yeux, seraient loin. Faqila sababu hada al-istighfar anna al-alima yu'allimu al-khalqa mura'ata hadi al-hayawanat wa yu'arrifuhum. Regardez, subhanallah, certains savants ont dit que la cause de cet estirfar, de ce pardon, c'est que le savant apprend à la créature, donc à l'homme, le respect, hein, comment, en fin de compte, être vis-à-vis même des animaux, hein, et de savoir qu'est-ce qui est interdit et pas interdit des animaux. On sait que les gens brûlaient des fourmis, hein, on sait que, bien sûr, donc, il est interdit de brûler, imaginez-vous une fourmilière, il est interdit de tuer des animaux qui ne sont pas nuisibles. Il est interdit de tuer les animaux, mais enfin, si on était fil, hein, fil haram, hein, on sait très bien qu'il y a la ahkam, et par exemple, la chasse et autres, elles ont donc des règles. Donc on voit que donc, ces animaux profitent de cette miséricorde d'Allah par le biais, justement, de l'enseignement des savants. Donc il leur apprend comment on doit se comporter avec. Et comment l'utiliser, comment monter, et comment profiter aussi de ces bêtes, et aussi comment, bien sûr, donc égorger, hein, comment immoler ces bêtes de la meilleure façon qui puisse être connue, et aussi de la façon la plus douce, hein, vis-à-vis de ces animaux. Donc le savant, c'est quoi? C'est celui qui est le plus doux, ou celui qui est le plus compatissant envers les animaux. Et aussi, donc, celui qui, bien sûr, c'est celui qui va avoir justement donc, les preuves les plus solides par rapport, hein, C'est-à-dire pour montrer pourquoi ces animaux ont été créés. Pourquoi ces animaux ont été, c'est-à-dire pourquoi ils ont été créés. وبالجملة jumla فالرحمة والإحسان التي خلق بها ولهما الحيوان. Donc, en définitive, ou en gros, la miséricorde et la bienfaisance qui a été donc pour laquelle elles ont été créées, donc pourquoi ont été créées, donc avec laquelle et pour laquelle, donc ces deux choses qui sont justement dans la création de ces animaux. وَكُتِبَ لَهُمَا حَظُّهُمَا مِنْهُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْعِلْمِ. Et aussi dans ce qui a été écrit, c'est-à-dire leur part dans ce monde, qu'est-ce qu'elles ont comme rôle. Donc tout ça a été justement connu par la science. فَالْعَلِمُ مُعَرِّفٌ لِذَلِكَ. Et le savant, donc, sait et montre aux gens. C'est lui qui va expliquer tout cela. فَاسْتَحَقَّ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ الْبَهَائِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc bien sûr, ça c'est un istinbat des savants. C'est un istinbat des savants, comme quoi qu'il mérite donc que les animaux, bien sûr, demandent pardon pour lui. Allahu A'lam. وَقَوْلُهُ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le bienfait du savant ou la valeur du savant vis-à-vis de l'adorateur, c'est comme la valeur de la lune vis-à-vis de chaque astre, de tout astre. Donc تَجْبِيهُنْ مُتَابِقُنْ لِحَلِ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ. Donc c'est un tajbir qui est mutabiq, c'est-à-dire qui va être en fin de compte totalement, c'est-à-dire on peut le prendre totalement en exemple. Dans le sens où l'exemple il va être réel. Donc c'est un exemple qui va être réel, c'est-à-dire l'exemple de la lune et l'exemple de l'astre qui va être réel. فَإِنَّ الْقَمَرَ يُضِيءُ الْآفَاقَ. Car la lune, elle va éclairer jusqu'à l'horizon. La lune, on sait que quand elle est bien pleine, on voit qu'elle éclaire bien. Une fois qu'elle est pleine, مثلاً, on voit bien la différence entre au moment, donc par exemple Ayyam al-Bid 13, 14, 15, on voit qu'à ce moment-là, on a affaire à une lune qui est complète. وَتُمِيدُ نُورُهُ إِلَى الْعَالِمِ. Et bien sûr, sa lumière, donc ça, elle va éclairer donc le monde. وَهَدِهِ حَالُ الْعَالِمِ. Et ça, c'est la situation du savant. Donc ça, c'est le cas du savant. وَأَمَا الْكَوَاكِبُ فَنُورُهُ لَا يُجَاوِزُ نَفْسَهُ. Et en ce qui concerne les astres, donc leur lumière ne vont pas dépasser que qu'elles-mêmes. Ne vont pas dépasser, c'est-à-dire qu'elles-mêmes. Donc, l'astre sera éclairé, mais elle ne va pas éclairer les autres. Elle va être éclairée que pour elle-même. Donc, c'est la petite étoile ou quoi. Mais elle ne va pas éclairer autre. Elle va être éclairée pour elle-même. Elle aura de la lumière. Aouma korriba minhu. Ou ceux qui pourraient être à peine autour. C'est vraiment, c'est-à-dire la lumière, elle ne dépasse pas que ce qu'il y a vraiment autour. Ce qui est proche. Wadi halu al-abid al-ladi yurdi'u nuru ibadati alihi duna ghayrihi. Donc ça c'est comme le cas ou la situation de l'adorateur, celui qui est éclairé que pour lui-même, sans éclairer bien sûr les autres. Même si bien sûr donc la lumière de cette adoration elle va éclairer autre, mais elle va pas aller loin, elle va pas éclairer énormément. Comme la lumière donc celle qui éclaire, c'est-à-dire celle de cet astre qui va éclairer autour d'elle, elle va pas dépasser, elle va pas aller très loin par rapport à l'astre en lui-même. Al-Janna fa innama kanat manfa'atuka, n'am manfa'atuka li nafsika yuqalu li'alim ishfa' tushfa'. Donc, j'ai peur qu'il manque une phrase. Allah Alam, ici il parle du Jannah tout seul comme ça. Allah Alam, pour Moukim, qu'il manque une phrase par rapport au texte. Il doit manquer une phrase parce que c'est pas logique. Il y a juste le mot Jannah comme ça sans comprendre. Et après il y a un point virgule. Donc, Allah Alam, il doit manquer quelque chose par rapport au texte. Donc, il dit, donc on comprend que là c'est pour Yom al-Qiyama. On comprend par rapport donc, au texte que c'est pour le jour du jugement dernier. Que donc certes, donc par rapport là lorsqu'on voit, il veut le dire en fin de compte ici, alors même par rapport à ce qui manque, par rapport à ce qui manque du texte, c'est qu'il veut dire que par rapport au Abid, on dit au Abid, alors même c'est ça le takdir. On dit au Abid, certes, que ton profit n'était que pour toi. Donc on comprend que c'est pour l'abid, le serviteur. Tu as profité, alhamdoulilah, c'est pour toi. Donc le profit, bien sûr, il était pour toi. Et on dira, et on dira au savant, donc, intercède, on va accepter ton intercession, car certes, ton profit était pour les autres. Donc, le savant est intercesseur. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال العابد ادخل الجنة ويقال الفقيه اشفع تشفع. Et aussi, donc, روى ابن جريج, donc ابن جريج rapporte de عطاء, hein, et de ابن عباس, donc, عطاء rapporte ابن عباس رضي الله عنهما. Donc, le jour du jugement dernier, on viendra avec le serviteur et avec le faqir, donc avec le savant, et on dira au serviteur, entre au paradis. Et on dira au faqir, intercède. Donc tu, c'est-à-dire on acceptera ton intercession. Intercède parce que tu seras intercédé. C'est-à-dire tu vas, c'est-à-dire pouvoir intercéder. Wa fi at-tashbih al-mazkur latifatun ukhra wa huwa anna al-jahla kal-layli fi dhulumatihi. والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب طالها في تلك الظلمة. Et aussi dans ce tajbih, dans cette ressemblance, il y a aussi donc un petit bénéfice par rapport à cela, c'est que l'ignorance est comme la nuit, bien sûr dans les ténèbres. Et les savants et les serviteurs, donc là on parle du cas de l'ignorant, c'est comme si on divisait les gens en trois. Il y a le savant, il y a le serviteur et il y a l'ignorant. Et donc les savants et les serviteurs sont du niveau de la lune et des astres qui se lèvent, hein, c'est-à-dire de qui, de où, de au-dessus de ces ténèbres, ils seront au-dessus de ces ténèbres. Donc on voit qu'il y a déjà encore une fois rifa, il y a déjà le fait qu'ils seront au-dessus de cela. Wa fadlu nuri al-alimi fiha 'ala nuri al-'abidi ka fadli nuri al-qamari 'ala al-kawakib. Et la vertu et la valeur de la lumière du savant par rapport à cela et par rapport à la lumière du serviteur, c'est justement donc comparable à la valeur de la lumière de la lune face aux autres astres. Wa aidan fad-dinu qiwamuhu wa zinatuhu wa amanatuhu bi ulama'ihi wa 'ibadihi fa idha dhahaba 'ulama'uhu wa 'ibaduhu dhahaba ad-din kama anna as-samaa'a amanatuha wa zinatuhu bi qamariha wa kawakibiha fa idha khusifa qamaruha وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد وفضل العلماء الدين علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب فإن قيل كيف وقع التشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا فقيل له فيه فائدة. Donc on verra ça après. Donc aussi, donc la religion et ce qui vient justement renforcer cette religion, sa beauté, sa sécurité, Amanatou, c'est-à-dire son dépôt, sépare ses savants et ses serviteurs. Hein, qu'est-ce qui fait que l'islam est bien, hein, donc bien sûr l'islam en lui-même, mais qu'est-ce qui fait que les gens pourront voir que l'islam est bien, c'est justement par rapport à ce que les savants vont dire, c'est par rapport à ce que les serviteurs vont mettre comme, hein, parce que, comme c'est-à-dire vont œuvrer, comment les serviteurs vont œuvrer. Si on fait n'importe quoi, les gens bien sûr vont critiquer l'islam. Si on fait du bien, les gens ils vont aimer l'islam. Et bout de tajruba, hein, donc par expérience, il y a des peuples qui sont rentrés dans l'islam. Tous gens qui sont partis en Indonésie et autres, ils sont rentrés dans l'islam parce qu'ils avaient un bon comportement. Hein, ils avaient un bon comportement, n'oubliez pas que les gens regardent, quoi qu'il se passe. Les gens font plus attention à ce que tu vas faire que à ce que tu vas dire. Et là, ça devient important. Parce que le prophète ne parlait pas beaucoup, parlait peu, mais il œuvrait beaucoup. Il parlait peu et il œuvrait beaucoup. Et si ces savants partent, disparaîtraient, ainsi que leurs serviteurs, donc cette religion partirait. Comme donc les cieux, donc ceux qui sont les protectrices des cieux, hein, et de sa beauté, ce sont bien sûr la lune et ses astres. On sait que les gens, et spécialement avant, se dirigeaient, ils avaient besoin des astres, ils avaient besoin de tout cela pour pouvoir traverser le désert et autres. Donc s'il y avait, maintenant, si cette lune venait à disparaître, c'est un exemple, donc par une éclipse, elle venait à s'éclipser, et on ne verrait pas par exemple ces astres, donc à ce moment-là, on aura ce qu'il y aura à voir. Et les bienfaits des savants de la religion par rapport aux serviteurs, c'est justement aussi donc, comme le bienfait. C'est la différence du savant envers le serviteur, c'est la différence entre la lune et toutes ses astres. Et si on disait pourquoi le teshbir, Apparemment, ça a dû arriver, où Shir se prévient, elle se prémunit, où il a déjà eu la réponse, où il a déjà eu des gens qui ont posé la question, ou bien il a déjà eu la réponse. Sûrement, les gens se posent la question. Pourquoi cette ressemblance, hein, du savant est faite avec la lune, mais pas avec le soleil, alors que le soleil a une nuit. Donc, c'est plus éclatant, c'est plus, hein, ça illumine plus. On lui dit parce qu'il y a justement dedans deux faïdas. Il y aura deux bénéfices par rapport à cela. Ihdahuma, anna nur al-qamari lamma kana mustafada min ghayrihi kana tashbihu al-alimi alladhi nuruhu mustafadun min shamsi risalati bil-qamari awla bit-tashbih bil-shams. Premièrement, c'est que la lumière de la lune, lorsque les gens en profitent, hein, c'est-à-dire on profite de la lumière de cette lune, autre, c'est-à-dire par rapport à autre chose, c'est que là, à ce moment-là, on a fait justement la ressemblance avec le savant, c'est-à-dire pour dire que on profite du savant, on va profiter du savant dont sa lumière est justement retirée de quoi? De la, comme il dit, de la risala, donc c'est-à-dire donc la risala, comment on dirait, hein? Donc le message, Nam, le message justement. Donc, qui viendrait, donc, Minchems El Risala, donc, c'est-à-dire de la lumière, ou bien du soleil, du message, qui vient, donc, à Bil Kamar. Donc, la lumière du message qui vient du Kamar, et cela, donc, sera automatiquement prioritaire par rapport au Teshbir qui vient du ciel, qui vient à Afouane du soleil. Prioritaire au Teshbir qui vient du soleil. On a vu des fois qu'il y avait des fois certaines expressions qui sont un petit peu plutôt difficiles à expliquer par rapport à Melchior, par rapport justement à ces règles, à des fois des phrases qui sont un peu. Compliqué lorsqu'on les traduit en français. Thania anna shamsa la yahtalifu haluha fi nouriha wa la yalhaquha mahaq wa la yufa wa la tafawutun fi l'ida'ati wa amma al-qamaru fa innahu yaqillu nouruhu wa yakthuru wa yamtali'u wa yanqusu kama kana ulama'a al-ulama'a fi l'ilmi ala maratibihi min kithratihi wa qillatihi فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فالعالم كالبدر ليلة تمامه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله. Donc le deuxième cas, c'est que le soleil ne change jamais. Hein, c'est-à-dire la situation sur le soleil, tous les jours il est pareil. Donc le soleil, tous les jours il est pareil. Sa lumière sera toujours pareille. Donc il n'y aura pas de différence. On ne va pas retrouver, hein, de différence. Et il n'y aura pas justement de différence dans sa façon d'éclairer. Il y aura toujours le soleil, il va éclairer, donc tous les jours de la même façon. Par contre, la lune, voilà, comme ça, par contre, la lune, sa lumière va éclairer plus ou moins. Elle va plus ou moins éclairer. Donc elle va plus être. C'est-à-dire, plus elle sera remplie, plus elle sera pleine, elle sera complète, plus elle va remplir. Plus elle va éclairer. Moins elle sera complète, c'est-à-dire plus elle va diminuer. Hein, donc ça. Hein, plus elle sera diminuée, plus moins elle va remplir. C'est-à-dire moins elle va éclairer. Et donc ça, c'est comparable aux savants. C'est pour dire que les savants aussi, ils ont des degrés. Donc il y a les savants, il y a les grands savants. Hein, donc chaque savant n'ont pas tous le même niveau. Tous les savants ont des degrés qui sont différents. Donc plus ou moins, ils auront plus ou moins de science. Donc. Chacun donc aura donc une valeur, chacun aura une valeur selon bien sûr le niveau de sens qu'il a. Ou il a plus ou il a moins. Ou c'est plus voyant ou bien sûr c'est plus caché. Donc voilà la situation, voilà plutôt donc le cas de la lune. Donc le savant, comme le badar, hein, c'est-à-dire lorsque la lune est complète, le savant qui est complète, on va dire que ça c'est le plus long, ce qui est, c'est-à-dire lorsque la lune elle est complète, en ce moment-là bien sûr c'est le grand savant. Et après il y a celui qui viendra après, donc les jours qui vont passer, parce qu'on voit que les jours qui passent par rapport à la lune, on voit qu'elle devient en croissant, donc elle commence à perdre du volume. Et c'est la même chose pour bien sûr les niveaux des chouyours, donc c'est le niveau des chouyours, chacun a son niveau. On sait qu'un chir qui a enseigné maintenant un grand savant, parce qu'il a enseigné 40, 50, 60 ans, et pas comme le talib ilm qui va qu'il a commencé à enseigner depuis 3, 4, 5 ans. Il y a une différence. On sait que le grand savant a plus de sens que celui-là. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit qu'il reste presque plus grand-chose, hein, jusqu'à un fin filet de cette lune. Donc, on voit que chacun a des degrés différents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَدَا هِيَا فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا عِبَارَةٌ عَنِ الْعُلَمَا فَكَيْفَ وَقَعَ تَشْبِيهُهُمْ هُنَا بِالْقَمَرِ. Donc là, on voit justement le ta'bir, donc comment les savants ont expliqué cela, Donc les savants, comment expliquer cela? Et aussi comment, bien sûr, le tajbir a été par rapport à la lune. Faqila amma tajbihu l'ulama bin nujum. Fa'ina nujuma yuhtada biha fi dhulumat al-bar wal-bahr. Et des fois on dit aussi, parce que là aussi encore un autre cas, c'est pourtant on appelle aussi les savants an-nujum, les étoiles. C'est parce que les étoiles aussi donc guident les gens dans les ténèbres hein, des cieux et de la terre et de la mer. Hein. On peut aussi être guidé par justement par les astres. Et la même chose pour les savants. Wan-nujum zinatun lis-sama. Et donc les astres, les étoiles sont les beautés des cieux, ainsi que les savants. وَكَذَلِكَ الْعُلَمَا زِنَةُ لِلْأَرْضِ. Et les savants sont justement toutes les beautés de cette terre. وَهِيَا رَجُومٌ لِلشَّيَاطِينِ حَائِلَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِسْتِرَاكِ السَّمَعِ لِيَنَا يَلْبَسُوا نَعْمْ لِيَلَا يُلَبِّسُوا بِمَا يَسْتَرْقُونَهُ نَعْمْ يَسْتَرْقُونَهُ. Donc là aussi il y a une comparaison toujours avec les shayatin et donc le Rafouane et les savants, par rapport à cela, c'est que cette étoile, donc qu'est-ce qu'elle fait? Tarjoum, ça, ces astres, justement, donc sont, je veux dire, ce qu'on appelle les étoiles filantes, donc c'est en vérité, donc c'est une lapidation pour les chéatines, qui va être justement, afin que les anges n'entendent pas ce qui se passe, n'entendent pas ce qui est dit, que les djinns, plutôt les chéatines, n'entendent pas ce qui est dit, et c'est la même chose, les savants aussi, donc justement, lorsqu'il parle, donc justement, c'est aussi pour arrêter et c'est pour combattre en même temps. Il y a aussi un combat contre tout type de shayatin. Yep, lorsqu'il combat. Min al-wahy al-warid ila al-rusul min Allah ala aydi al-mala'ikati wa kadhalika al-ulama rujumun li shayatin al-ins wal-jin alladhina yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Donc, il fait la comparaison avec par rapport à cela. La même chose, donc le wahy hein, qui est descendu donc par les anges. Envers les prophètes, donc les savants aussi sont donc bien sûr des lapidateurs des shayatins, ins et djinn, ceux qui essayent, hein, ceux qui s'insufflent les uns envers les autres, ceux qui essayent de propager à Kulhel, donc ils trafiquent, et ils changent, et ils embellissent leurs paroles aux gens, donc ils embellissent leurs paroles afin d'égarer les gens. Et les savants sont là justement pour protéger hein, et pour justement barrer la route à cela. Fal ulama rudumun lihadan sinf min shayatin. لولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين. Et les savants donc sont justement ceux qui lapident donc c'est ce type de shayatin qui sont en vérité du'at ila abwab jahannam, on va dire hein, donc ce sont les du'at ad-dalal, ce sont ceux qui appellent à l'égarement. Et s'il n'y avait pas cela bi'iznillah, bien sûr donc on aurait vu ou bien ça serait disparu ou bien ça serait effacé donc les apprentissages de la religion. Comment? En entrant dans cette religion, justement, les ambiguïtés, un telbis, ou bien tout ce qui est faux, parmi, c'est-à-dire de ceux qui égarent, de ceux qui égarent. Walakin Allah subhanahu amamahum hurasan wa hafadatan li dinihi wa rujuman li a'da'ihi wa a'da'i rusulihi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, donc bien sûr, a placé dans cela, donc des gens qui, des gardiens, des protecteurs de sa religion, ceux qui, quoi, lapide ses ennemis et les ennemis de ses envoyés. Wahada wajou tajbihim bin nujum. C'est comme ça qu'ils ont été ressemblés par rapport au nujum. Donc on a vu par rapport au kamar comment c'était la ressemblance. Et là on a vu aussi par rapport au nujum, c'est quoi la ressemblance. On va s'arrêter là parce que ce sera la salat. Barakallahu fikoum. Donc par rapport toujours au point, il reste encore plus de deux pages rien que sur ce point. Donc on terminera inchallah demain. Donc demain à ça, on terminera inchallah ce point. Ainsi que le reste. Barakallahu fikoum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.